Ok. Pratique l'autopsie, je te poignarde avec ma plume. J'ai le pied sur l'accélérateur, putain j'ai trop de rigueur. La concurrence me fait pas en peur, j'les baise un par un. Encore et la sonorité, MC prend mon retour comme une fatalité. Frère, j'grippe le mic avec autorité. J'rappe pour les gars qui esquivent les autorités. J'ai plein de choses en tête, j'parle à cœur ouvert. J'laisse les fous la gueule ouverte. J'suis ce genre de gars encore à la mode, pour refaire ce qu'on a aussi. Vous faites du rap trop fictif, on reste toujours intense dans l'offensive. C'est son précis, c'est Christo toujours là pour mordre à la gorge de l'homme. Une politique irritable, un gouvernement instable. L'hostilité de mes semblables inévitable. Une politique irritable, un gouvernement instable. L'hostilité de mes semblables inévitable. Par le rap, mon cœur n'a plus de peine. J'ai trouvé un sens pour ne plus être la mauvaise graine. Un rap comme emblème pour mieux espérer. J'm'en bats les couilles de ton rap français. Par le rap, mon cœur n'a plus de peine. J'ai trouvé un sens pour ne plus être la mauvaise graine. Un rap comme emblème pour mieux espérer. J'm'en bats les couilles de ton rap français. En studio, c'est studieux. Crie-moi dans la street posée, dans ma ride avec mon cuir, café crème. Même si je mets le tiers, c'est difficile de faire mieux. C'est difficile de faire mieux. Dédicace à mes frères, mon destin entre mes mains. Voilà tout ce que je sais faire. Mec, je m'en tape de ta façon de penser. Au contraire, de ta bidouillée. Bernadette, pas là pour écouter des pièges. Je suis en depuis que je sais. On veut être prince pour la secrétaire de Bill Clinton. Avec le pôle 4 étoiles de Paris Hilton. La vie n'apprend rien devant ce panorama. Dans une piscine, on se verrait mettre nageur pour Loana. C'est bordel au fond de la classe, on est vite paumé. Trop marginal comme McDonald's qui sponsorise Beauvais. Mauvaise graine qui se met en France, la terre n'est plus fertile. Le vent, le poing en l'air, te faire comme Martin Luther King. Par le rap, mon cœur n'a plus de peine. J'ai trouvé un sens pour ne plus être la mauvaise graine. Un rap comme emblème pour mieux espérer. J'm'en bats les couilles de ton rap français. Par le rap, mon cœur n'a plus de peine. J'ai trouvé un sens pour ne plus être la mauvaise graine. Un rap comme emblème pour mieux espérer. J'm'en bats les couilles de ton rap français. T'as pas que d'un dos en face, c'est qu'une victime. Arrête de gonfler tes catalyseurs, moi un charmé. Y'a pas de mystère, tu fais que du vent, plus ta carrière en une seule rime. Dans ma team, que des vrais bonhommes. Tu fais que des sons premium, moi c'est direct. Dans le rectum, c'est mon sérum. Tu sais maintenant comment je me surnomme. 2010, j'ai mis la gomme, c'est pas un dessin animé. C'est du réel quand je cartonne. C'est pas ta pute de fausse plus abîmée. C'est des hormones, les filles m'ont saoulé. Que je leur dis que je suis devenu dangereux pour leur santé. Tout peut me faire une réputation. Si tu joues à Cendrillon ou à la sale fille infidèle. Je te ferai même gagner du pognon en string ficelle au fond d'hôtel. Je te ferai même gagner du pognon en string ficelle au fond d'hôtel. Ok, à ce qui paraît, Christo c'est fini. Imbécile, rembarre tes abdominables. Te prends pas pour je sais pas qui. Ok, c'est Christo à la folle. Christo, direct production de Pascal. J'ai le rap comme en pleine.